une histoire particulière. Quel drôle de personnage ce Raoul Ponchon, l'auteur de l'expression « Mon verre est plein, je le vide, mon verre est vide, je le plein ». Olivier Chomel et Rafik Zeni nous ont présenté hier, dans le premier épisode, le poète qui boit des verres. Ponchon, poète du bien manger et du bien boire, a écrit 150 000 vers, soit l'équivalent d'1,25 Victor Hugo. Au célibataire endurci, le café tient lieu de famille, écrira-t-il dans ses gazettes rimées de la presse parisienne. La gazette rimée est une discipline journalistique disparue qui consiste à rédiger les nouvelles en vers. Ponchon, s'il n'est pas l'inventeur du genre, y excelle en drôlerie et en acuité. Il en restera le maître insurpassable. Ses mots fleuris, inventés, tarabiscotés sont un régal. Allez vite, plongeons dans le second épisode pour le plaisir de nos oreilles. La salade. Échinocoque. Trichocéphale dispare. Anguillule. Amébacoli. Lombricoïde. Ascaride. Ankylostome nicobar. Oxure vermiculaire. Balantide. J'en passe et des meilleurs. Tels sont, mes chers enfants, entre mille autres qui vivent à nos dépens, les vers intestinaux, les monstrueux reptiles, sans compter les crochus et virguleux bacilles qui rongent, sapent, scient, sucent nos intestins quand nous faisons intervenir dans nos festins ce que vous appelez moi de même, salade. Rien qu'à vous les nommer, vous m'envoyez malade. Adieu donc, ô salade, ô réponse, ô chicon, capable d'enrichir en un jour l'Achéron. Adieu, scarole jaune, et toi, verte laitue que nous croyons inoffensive et qui nous tue. Quel coup dur pour l'œuf dur. Adieu, toi, le croissant. Tu n'es plus la santé du corps, de la chanson. Bonsoir, la betterave et la douceâtre mâche, endive de malheur, et céleri, grand lâche, chicorée, ah mon Dieu, c'est fini de friser, barbe de capucin, qui voudrait te raser? Raoul Ponchon, le veau réchauffé et meilleur froid. Second épisode, quand mon verre est plein, je le vide. Olivier Chomel, Rafik Zénine. Il voulait être peintre. En fait, dès le début, il pensait qu'il serait peintre et il hésitait entre la peinture et la poésie. Il aime bien peindre les fleurs, il aime bien peindre les portraits. Yves Jacques. Il aime bien peindre les amis, mais il n'a pas un réel talent. Donc il sait que ça ne va pas être son domaine de prédilection. Il dessine bien quand même. On connaît pas mal de dessins de lui, dont des autoportraits. Il a dessiné des autoportraits, il a dessiné des caricatures qu'il n'a jamais signées parce qu'il ne signait jamais rien. Il a laissé une foultitude de carnets de dessins. Et il avait un talent surtout pour peindre les fleurs et puis pour peindre la mer. Voilà un modèle de Lilo Sésambre, qui était une de ses peintures de prédilection. Vous êtes écrivain et éditeur, Éric Dussert, mais en général, vous vous intéressez plutôt à des auteurs que personne ne connaît. Et Ponchon vous intéresse alors que lui a une certaine notoriété, qu'il fait tout ce qu'il peut pour fuir d'ailleurs, mais... Alors... Ce qui m'intéresse chez Ponchon, c'est justement cette tentative de fuite. On voit bien qu'il essaye de ne pas prendre la place d'un poète qui serait plus important que lui. On sent ça, même dans sa poésie. Néanmoins, il ne peut pas se faire oublier. Il n'arrive pas à se faire oublier, et très certainement parce qu'il est très, très sympathique. Ponchon a ceci de particulier qu'il est à la croisée de tous les chemins. Il est entre Montmartre et Montparnasse, il est dans tous les bistrots, mais il est également pas très loin de chez les hydropathes, il est cul et chemise avec les bohèmes. Il en est un lui-même, puisqu'il a été peintre quand il était tout jeune. Mais il n'aime pas trop cette notion-là. Non, tout à fait. Il a une forme de dignité de son emploi, on pourrait dire. Et il se méfie même des gens qui lui paraissent ou sournois ou désagréables. Il faudrait citer ce qu'il dit, par exemple, d'Arthur Rimbaud, qu'il n'aime pas du tout. Ponchon dit, je ne sais plus où, j'ai toujours préféré les fillettes aux grands garçons, par exemple. Hein, et les rapports de Verlaine et Rimbaud lui plaisent pas du tout. Ponchon qualifie Rimbaud d'icoglant de chef-lieu de canton. Voilà, ça c'est dans un vers. En revanche, il fait allégeance à Verlaine, et d'ailleurs, Verlaine a beaucoup de considération pour Raoul Ponchon. Oui, mais c'est pas très étonnant, je trouve. Ils ont une espèce de figure, l'un comme l'autre. Ponchon est sans doute beaucoup plus bonhomme que Verlaine, mais ils ont tous les deux ce petit côté artisan, fier de leur métier. Et je pense crâne chauve. Et le crâne chauve également, la barbe bien fournie. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'art poétique, de leur conception de l'art poétique, qui les nimbe. Et peut-être, là je m'avance beaucoup, mais peut-être que par respect pour Verlaine, Ponchon ne se sentait pas, lui, de se hisser jusqu'au recueil. Et en tout cas, cette posture du poète du retrait est sans doute liée à la fréquentation des grands auteurs qu'il a toujours aimé. Ponchon a assisté aux obsèques de Paul Verlaine. Oui, tout à fait. Il a assisté aux obsèques de Verlaine. On le trouve parmi les gens qui sont venus aux obsèques de Marcel Schwab également. La chronique le signale. Il est vraiment très, très, très, très intégré au milieu poétique et littéraire. Donc ce retrait est vraiment une position philosophique très profonde chez lui. Ce n'est pas une lubie qu'il lui aurait pris à la fin de sa vie. Sous de faux airs de dilettantisme, Raoul Ponchon adore inventer des mots tarabiscotés. Bitrange, par exemple, agglomérat de bizarre et étrange. Je dessinaille, écrit-il, je versificote. Sur la porte de sa chambre d'hôtel près de la Sorbonne figurait la mention à la craie Raoul Ponchon, peintre et poète lyrique. Dans ses premières années parisiennes, Ponchon aimait déclamer ses vers dans les bistrots des 5e et 6e arrondissements. Au fur et à mesure, il jetait au feu les feuillets qu'il avait fini de lire. On a dû ainsi perdre une partie importante de son œuvre. Il ne nous reste, dit-on, que 150 000 vers. Aujourd'hui, le Quartier Latin est plutôt touristique et l'immobilier y est très cher. Celui qu'a connu Raoul Ponchon, où se côtoyaient étudiants et gens de lettres, était à coup sûr plus turbulent et pittoresque que le nôtre. Il y a obligatoirement croisé une figure en haillons, vagabond plutôt répugnant, qui se nommait André Salis et se faisait appeler Bibi la Purée. Ce personnage était tellement célèbre que les plus grands artistes en ont fait le portrait jusqu'à Picasso, ainsi que les poètes, dont Ponchon. Peut-être doit-on considérer qu'un certain Aguigui Mouna fut un des derniers héritiers de ce Quartier Latin-là. Quand on dit que Ponchon, gérait pas sa carrière, il y en a d'autres qui n'avaient pas envie de sacrifier leur vie à leur carrière. Je pense que c'est pas quelque chose d'exceptionnel à cette époque. Il dit, il se plaint à un certain moment à la fin de sa vie, il dit « j'ai jamais eu d'intérieur en fait ». Il a toujours vécu dans des hôtels. En fait, je le vois un petit peu comme un locataire absolu, un peu. C'est le locataire absolu. Il prend la vie en location, quoi, en fait. Il n'est pas propriétaire de rien. Il n'a pas envie d'être propriétaire. Je crois que c'est quelque chose qui là, si c'est un tempérament bohème, oui, il y a un tempérament bohème. Il y a une sorte de rébellion par rapport à un ordre social. On n'a pas envie de jouer la partie. Je pense que ça fait partie de son être. Il est comme ça. Peut-être qu'on parle de bohème, mais il faut pas oublier que bohème, c'est un terme qui a été pratiquement imaginé par Henri Murger. Auparavant, on pouvait vivre de façon artiste en dehors des règles de la vie bourgeoise, mais le mot bohème et bohème littéraire n'a pas été associé avant 1842, je dirais, au champ littéraire et artistique. Donc, en tout cas, les gens que ça concerne n'adhèrent pas tellement à cette notion-là. Non, mais c'est une manière de se vendre au public. On est bohème pour le bourgeois, en fait. Hein. C'est ça. Donc, si on veut vendre, il suffit de mettre, par exemple, comme Goudot, 10 ans de bohème sur ses mémoires. Ce qui n'est pas le titre original. Le titre original, ce sont des articles qui ont paru dans la presse et qui sont la nouvelle littérature, simplement. Mais avec ça, bien évidemment, on ne vend pas le livre. Donc, il a mis 10 ans de bohème et cela lui a permis de passer un peu à la postérité. Christian Gury, vous êtes écrivain. Vous avez publié, voilà une quinzaine d'années, un livre intitulé « Bibi la Purée, compagnon de Verlaine ». Et Bibi la Purée, d'abord, on peut préciser que la purée, ça veut dire la misère, la mouise, la panade. Bibi la Purée est né en 1848, exactement comme Raoul Ponchon, et ce sont deux personnages qui rôdent dans les mêmes quartiers. Oui, alors Bibi la Purée, c'est un clochard. Alors évidemment, il va se targuer du titre d'être secrétaire de Verlaine, mais entendons-nous bien, il est secrétaire au sens de factotum. Il va porter des billets à droite à gauche, chercher un peu d'argent chez l'éditeur Vanier, et son secrétariat n'est littéraire que dans la mesure où un facteur est un homme de lettres, ça ne va guère plus loin. Clochard, certes, mais faisant partie du paysage et du folklore. Ah, oui, et clochard indispensable pour relier toutes les biographies des poètes de l'époque. Parce que tout le monde le cite, il est de toutes les cérémonies funèbres aussi, où un poète, on enterre un poète, il y a Bibi la Purée, il est presque obligé quelque part. Et Raoul Ponchon lui a consacré une ode, je peux en citer deux quatrains, « Bouche en fente de tirelire », où ne pourrait entrer un sou, avec ça le hideux sourire de Voltaire, ou bien de Sardou, puis plus loin, comme on rit à pleine bedaine quand on apprit que c'était là le secrétaire de Verlaine. Ah, oui. Et pourtant, il était cela. Oui, comme on rit à pleine bedaine quand on découvre que c'est effectivement le secrétaire de Verlaine. Enfin, je dis ce qu'il fallait penser de son secrétariat, parce qu'il a un orthographe lui-même très approximatif, et lorsqu'il se vante d'avoir été bachelier, je ne suis pas, personne n'est sûr qu'il ait effectivement passé ce diplôme. On n'a pas de traces véritables de contact entre Raoul Ponchon et Bibi la Purée, Christian Gury. Il y a un événement où on est certain qu'ils sont tous les deux, ce sont les obsèques de Verlaine. Ah oui, les obsèques de Verlaine, grand événement qui a été chanté par Paul Faure, qui a été repris ensuite par Georges Brassens, et donc le nom de Bibi la Purée devient immortel grâce à cette lignée. Et Bibi la Purée, donc, a le droit de suivre les obsèques de Verlaine. Et alors il prend un air extrêmement triste, extrêmement sombre. C'est un personnage de composition. Alors, obsèques de Verlaine, il y a derrière le convoi toutes les huiles de l'époque, les représentants officiels de l'État, mais aussi des académiciens comme François Copé, Maurice Barrès, et donc des poètes très à la mode ou très connus déjà, comme Robert de Montesquieu que je viens de citer, ou comme Raoul Ponchon. Vous rencontrerez Ponchon, m'a-t-on dit, à l'hôtel du Périgord, place de la Sorbonne, où il habite, voilà, tantôt 18 ans. Il n'a jamais voulu quitter la chambre qu'il occupe. Les propriétaires se le passent de main en main. Il fait partie du fonds de commerce. Il vous recevra cordialement, mais ayez soin d'arriver de bon matin. Ponchon n'est jamais content de ce qu'il a produit. Il y a des jours où il est très malheureux. On le supplie de tirer un volume de son œuvre éparpillée. On n'a pu l'y résoudre, ni vaincre sa répugnance. Ce qui paraît dans le journal n'a pas d'importance. Il y a du bon et du mauvais. Tout est oublié le lendemain. Le livre dure, et c'est très grave. Le Temps, 4 mai 1897. Il publie son premier livre à un âge déjà avancé, en 1920. Et il le publie parce qu'il est en mal de finances. Il a besoin d'argent, il a besoin de reconnaissance, mais de reconnaissance qui se solde par des ors sonnants et trébuchants. En réalité, Éric Dussert, Raoul Ponchon, ne tenait pas tant que ça à être publié en volume. Il a beaucoup résisté aux injonctions de ses amis avec les arguments suivants. Le livre reste et c'est terrible. Il a une sorte d'humilité assez presque maladive. Il a une humilité extrêmement rare dans le milieu, en particulier dans le milieu politique. Et si je ne m'abuse, lorsque son biographe Marcel Coulon le qualifie avec des capitales dans son essai, Raoul Ponchon se fâche et lui demande de ne plus jamais lui adresser la parole. Et effectivement, il a une forme d'humilité, et je pense qu'il a une forme d'humilité parce qu'il connaît son art, et ses exercices à lui paraissent être des exercices et rien de plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas la vanité de sa production, qui est pourtant extrêmement fleurie, agréable et très drôle à lire aujourd'hui. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'il aura sombré dans l'orgueil ou la vanité, il en a été toujours, toujours exempt. Préférant, je pense, une vie aisée à une vie d'honneur. Aisée au sens de d'agréable et de sans contrainte. Sachant que il reste quand même un des rares poètes salariés de son époque. Je ne connais pas d'autres exemples dans l'histoire littéraire à ce point-là, à ce point-là régulier et sur une période aussi longue. Il déteste les honneurs. En fait, il accepte toujours malgré lui. L'Académie Goncourt, c'est Hénique qui veut remplacer un poète, Émile Bergerat, par un autre poète, Ponchon. Donc, quand on présente Ponchon, il fait l'unanimité. Il est au café de Cluny quand il apprend qu'il est élu à l'Académie Goncourt et il est stupéfait. D'un coup, il y a un afflux de journalistes qui viennent lui dire qu'il est élu à l'Académie Goncourt. Et il dit « Ah, la bonne blague, la bonne blague ». Il ne le sait pas. Quand il reçoit le prix du Cornet en 1920 pour « La Muse au cabaret », tout est fomenté par Jean Richepin, qui fait partie du Cornet, qui fait en sorte que c'est lui qui ait ce prix du Cornet cette année-là. Ponchon, il a un caractère très particulier parce qu'il ne cesse toute sa vie d'écrire aux ministres, parce qu'il a de fortes amitiés parmi les ministres de l'instruction publique. Il est toujours en train de placer les gens, subvenir aux besoins des gens, alors qu'il est lui-même pauvre. Mais ça veut dire qu'il a une certaine influence. Il a une grande influence. Et sans doute est-il au moins partiellement conscient de sa célébrité. Il a surtout un réseau, comme on pourrait dire aujourd'hui, très important. Ponchon est un grand ami du général Boulanger, puisqu'il fait campagne dans la presse entre 88 et 90 pour l'élection du général Boulanger. Donc il a une certaine influence quand même. Hein. Il n'est pas le petit bonhomme totalement isolé. Ça, c'est absolument faux comme caractère. Dans l'ensemble, la vie de Ponchon, elle est très discrète, en fait. Elle est discrète, mais publique, parce qu'il la passe... au café, en grande partie. Oui, il la passe en grande partie. Il a des horaires. Vous savez, le travail, on parle de la bohème ne fait rien, c'est tout à fait faux. Des écrivains bohèmes, bon, il y en a quelques-uns qui sont des grands paresseux, mais je dirais d'une certaine façon, la satire les a épinglés très vite. Mais les autres travaillent énormément. Lorsque, travailler pour la presse, c'est souvent écrire un, deux ou trois articles par semaine. Et c'est pas des articles de trois feuillets ou quatre feuillets. Ce sont, lorsqu'il y a par exemple, un salon, c'est 11, 12, 13, 14, 15 feuillets. Et le salon, chaque semaine, il faut l'assurer. Je pense que la presse le mangeait beaucoup, en fait. Parce que il faut, c'est pas uniquement écrire des articles, en fait. Hein. Vous voyez. Ponchon dit « Mon œuvre est essentiellement journalistique ». Il se vit journaliste. Oui. Il se vit journaliste et il dit « Ce sont des élucubrations, des staminets ». Alors, quand on lui parle de la postérité de ses poèmes, il dit « Une gazette rimée est uniquement faite pour être lue dans un journal et non pour être récitée sur une scène. Une gazette rimée n'est autre chose qu'un article en vers ». Mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Dans la presse, il faut avoir l'angle, comme on dit, essayer de trouver quelque chose d'intéressant à raconter, et de nouveau. Mais surtout, non seulement il faut trouver ça, et ensuite, je dirais, l'écrire, et l'écrire en vers. Donc voilà, Ponchon était avec une petite œuvre d'art hebdomadaire à livrer. Raoul Ponchon a toujours été intéressé par, disons, le fait divers un peu pittoresque ou un petit peu croustillant. Et je me souviens, moi, de l'avoir cité pour la première fois dans un livre que j'ai publié en 1981, c'est très vieux, qui s'appelait « L'homosexuel et la loi ». Il s'amusait notamment d'une descente de police qui a eu lieu dans un établissement de bain fréquenté par des messieurs, et il appelle cela « vieux messieurs », où il énumère tout un tas de perversions, dirions-nous. Fantaisie, de plus en plus salée au fur et à mesure que le texte avance. Oui, c'est ça. Et ce texte, « Vieux messieurs », Christian Gury, a valu des ennuis à Ponchon, qui ne pensait pas à mal, hein, du reste. Non, effectivement, il s'est retrouvé en justice, mais c'était une époque où la censure était particulièrement lourde. Et le moindre éclat qui allait contre la pudeur publique, qui était protégée par les lois à l'époque, faisait que, dans la lignée, je dirais, de la condamnation de Madame Bovary et des Fleurs du Mal, la Troisième République ne faisait pas mal non plus. Effectivement, il a des soucis et il comprend pas bien le problème d'ailleurs. Il se rend pas compte que les journaux sont soumis à la loi de 1882 qui réprime la représentation des corps nus et ce genre de choses. Et lui-même, il va assez fort avec ses éphèbes vêtus seulement de carmin et qui dansent des mazurques. Des parle pas de mazurka. Un autre sur un lit se faisait inculquer une étrangère langue où l'on entendait gémir, suer et suffoquer et devenir exsangue, etc., etc. Et ça finit sur une apothéose que je tairai ici, qui est franchement coprophagique. Là, effectivement, il est un peu surpris de la vilainie des magistrats. Le 20 janvier 1892, l'auteur de la Gazette Rimée comparaît devant la 9e chambre présidée par M. de Boislille. Oh, la jolie audience et le cordial public qui s'y presse. La comparution du poète a attiré au palais nombre d'hommes de lettres, ses amis et aussi quelques femmes aimables, dont les beaux yeux pleurent. Hélas, leurs doux amis. Le poète qui aime les femmes, presque autant que le vin, est là, sur le banc d'infamie, saisi par les doigts crochus de Dame Justice. Combien d'elles, ces belles amandes, se livreraient au monstre pour qu'on l'épargnât ? Ponchon se lève. Je me figurais voir le grand Rabelais comparaissant sous l'inculpation de pornographie devant les moines tortureurs. Le président interroge le prévenu. « Vous vous appelez Ponchon, Raoul ?»« Oui, Raoul. »« Vous exprimez des regrets ?» Et Ponchon, qui se demande ce que lui veut tout ce monde, répond toujours. « Raoul, oui, monsieur ?» Raoul, on rit. Le substitut Monsieur Cabat requiert l'application de la loi avec modération. Monsieur Ponchon a du talent. Il peut s'élever jusqu'au chef-d'œuvre. Et par suite, comme l'a dit Victor Hugo, il a charge d'âme. Frappez donc l'œuvre. Mais quant à l'homme, n'omettez pas de lui appliquer la loi à Béranger sur l'atténuation de la peine. Alexandre Zévaès, Les procès littéraires au XIXe siècle. Ponchon se voit condamné à 500 francs d'amende et à 2 mois de prison. Et il va rentrer dans un système d'appel où finalement il va être partiellement dédouané en mars 92, puisqu'il sera condamné à 200 francs d'amende et à un jour symbolique de prison. Mais c'est une brûlure dans sa vie. Le juge voit que le monsieur est un peu poète et donc il est finalement condamné à quelque chose de très léger. Par contre, le journal, lui, paye sérieusement sa part, parce que le journal n'aurait pas dû laisser passer ça. Ce qui est clair, c'est que tout le monde a sous-entendu que les gens qui étaient représentés là étaient des gens au pouvoir, comme toujours, et que c'était une attaque pamphlétaire en règle. Alors, il entre, vieux messieurs, il raconte qu'on entre dans une maison interlope et décrit différentes choses qui se passent. Par exemple, et tandis qu'on lui façonnait à la main des cigarettes turques, des éphèbes vêtues seulement de carmin lui dansaient des mazurques. Un autre sur un lit se faisait inculquer une étrangère langue, on l'entendait gémir, suer, suffoquer et devenir exsangue. Celui-ci réclamait un peu de bon lolo, alors une chamelle sans nul rapport avec la Vénus de Milo lui tendait sa mamelle. Celui-là reniflait avec des grognements de volupté béate, des linges anciens, de futurs lavements, de récentes charpiates. J'en vis à un famé plus que n'est un moineau, voilà qui tient du diantre, qui me parut manger tout simplement une omelette avec son ventre. Un autre se faisait lécher de haut en bas ainsi qu'une tartine, cependant qu'une garce ayant gardé ses bas lui lisait la Martine. Des vieillards bien plus vieux qu'on ne peut souhaiter, à terre, à quatre pattes, poussant de petits cris et se faisant fouetter, couraient comme des blattes. Quelques-uns plongés plus avant dans un coma de leur triste lavette, goulûment comme ils eussent fait le pur soma, buvaient l'eau des cuvettes. Qu'est-ce que voulez après tout, mon Dieu ? C'est pour que rien ne se perde, car quand je m'en allais, cet autre commençait à manger de la merde. L'œuvre de Raoul Ponchon, c'est une œuvre qui se déguste en picorant un peu. C'est ça. Parce que de toute façon, elle est tellement vaste qu'on c'est difficile d'en avoir une approche exhaustive. Mais on peut prendre un peu ce qu'on veut où on veut. C'est un livre de chevet, en fait. On peut le reprendre, l'abandonner. On peut lire une Gazette Rimée tous les soirs. On peut la relire parce qu'elle a toujours un goût différent le lendemain. Après, il y a cette désuétude qui a fait qu'à un moment donné, il faut un support de compréhension parce que, comme c'est inspiré des faits du jour, il y a des références qui nous manquent. Par contre, ce qui est tout à fait intemporel dans l'œuvre de Ponchon, c'est ses contes. parce que ce sont des contes qui sont faciles à lire, avec une morale bien tournée à la fin, céleste et bien tournée, comme dirait Béranger. Mais c'est vrai que son thème de prédilection, c'est l'actualité. Son thème supplémentaire, c'est les fleurs en poésie. Et après, son thème supplémentaire, c'est aussi l'amour. Et puis après, ce qu'on ne connaît pas du tout, c'est l'excellente œuvre pornographique de Raoul Ponchon. Puisque cette œuvre-là, évidemment, elle est faite pour les amis et c'est absolument délicieux. Et puis, dans ce qui est publié de Raoul Ponchon, on croise assez souvent une espèce de grivoiserie, parfois un peu délirante d'ailleurs. Oui, elle est bien française à l'époque. Hein. C'est dans la lignée des Moncelet, c'est dans la lignée des Villon. C'est grivois. Mais Ponchon est aussi quelqu'un qui, il faut pas l'oublier, hein, il fréquente les bars à filles, hein, les filles de brasserie. On sait que quand il était jeune, il rentrait souvent accompagné à l'hôtel. Il a eu Génino, qui était une diseuse de verre, une actrice de second rang. Et puis, de théâtre et de cinéma. De théâtre et de cinéma. Et puis, il a eu son fantasme absolu, parce que c'est absolument évident, c'était Sarah Bernhardt. On peut signaler, Éric Dussert, que Raoul Ponchon atteint presque 89 ans, et qu'il meurt d'un bête accident au cours duquel il se casse le col du fémur. Et pour quelqu'un qui, à ce point, mangeait comme un goinfre, fumait comme un paquebot et buvait comme un trou. C'est un peu un rescapé, Raoul Ponchon. Ah ben tout à fait, c'est quelqu'un, on se demande comment il a évité la goutte, l'AVC et l'accident cardiaque. Raoul Ponchon est un miraculé, oui. Ou une autre hypothèse, ses agapes ont peut-être cessé très tôt. Et la réputation l'a suivi, mais peut-être était-il très sobre à la fin de sa vie. De même qu'il n'écrivait plus, il avait peut-être une vie beaucoup plus rangée qu'on l'imagine. À distance, l'histoire littéraire est toujours un petit peu compliquée. On a tendance à perpétuer des mythes, des idées reçues. Je ne serais pas étonné que Ponchon ait été plus économe de lui-même, passé un temps, qu'on veut bien le croire. Je me souviens que Roland Dorgelès, son collègue au jury Goncourt, était allé voir Raoul Ponchon à l'hôpital Saint-Joseph où il était hospitalisé et qu'il l'avait surpris à griffonner des choses. Lui qui n'écrivait plus de vers depuis presque 15 ans. Et en réalité, ce que rédigeait Ponchon, c'était un menu. C'est Dorgelès qui raconte ça. Hein. Matelote, andouillette, beignet aux pommes et armagnac pour pousser. Oui. Mais comme. Une ripaille imaginaire en quelque sorte. Tout à fait, oui, il est possible qu'il ait tenu comme ça. Je me souviens qu'il disait manger avec quelqu'un qui n'a pas d'appétit, c'est comme parler art avec un abruti. Raoul Ponchon. Le veau réchauffé et meilleur froid. Avec Éric Dussert, éditeur et écrivain, Christian Gury, écrivain, Yves Jacques, bibliophile et collectionneur, Jean-Didier Wagner, historien de la littérature. Texte lu par Daniel Königsberg. Merci à Carole Gascard de la médiathèque municipale de Paris pour les 78 tours de Raoul Ponchon, interprété par Léon Bernard de la Comédie-Française, à William Théry, Éric Houellebecq, Guillaume Zorgbib et aux archives départementales de la Seine-et-Marne. Bibliophilie et liens sur franceculture.fr. Coordination Christine Bernard, stagiaire Suzanne Cinca, archivina Véronique Jolivet, prise de son Yann Fressy, mixage Claire Levasseur. Une histoire particulière, Rafik Zénine, Olivier Chaumel. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30, ce sera le jour de la finale, mais c'est une autre histoire.